6.7 to play. What kind of look is it going to be? It comes into the corner for the win. Yes! Yes! Do you believe it? Vince Carter gets it done for the Mavericks. Bienvenue à tous sur notre podcast NBA, les affranchis NBA. Pour notre site Les 14 Affranchis, je suis aujourd'hui accompagné comme d'habitude pour notre podcast de Hugo Lebrun et Quentin Martins. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Abel, bonjour Hugo. Bonjour Quentin, évidemment, la star. Et donc on va aujourd'hui parler des playoffs puisque la saison régulière c'est fini et plus particulièrement des playoffs à l'ouest, en commençant bien sûr avec une première série déséquilibrée mais tout de même intéressante, les Los Angeles Clippers contre les Golden State Warriors. Donc on va donc rappeler que les Warriors ont fini une saison, bon, une saison pour les Warriors, hein, 57 victoires, 25 défaites, saison les Warriors, hein, ouais, voilà, Warriors. En marchant ils font ça, donc bon. Et donc les Clippers qui finissent avec, déjà ça nous fait plaisir de voir les Clippers en playoff, on en parlait la dernière fois, on savait pas s'ils allaient y aller, ils y sont. Les ouais. Clippers avec 48 victoires pour 34 défaites. Donc cette série qui oppose donc le premier de conférence au dernier commencera donc, quand est-ce qu'elle commence les amis? Elle commence demain soir il me semble, demain soir dans la nuit il me semble, à 2h du matin il me semble. Ouais. Il faudra être devant donc ouais, cette série et donc ça commence à l'Oracle Arena, à Golden State pour le premier match. Qu'est-ce que vous pensez de cette série? Bah... pour commencer, je pense qu'il faut sortir les balais, hein, ça sent le sweep. Forcément, bon là, Golden State, c'est tout simplement injouable. Après, bon, déjà, je pense que les Clippers, ils ont réussi leur saison. Hein, ils ont fait une très grosse saison. Aller chercher les playoffs, ah si, avant le début de saison, ils n'étaient pas, ouais, ils étaient pas partis pour... Le 5, même si Boogie Cousins a démarré plus tard, genre on pouvait s'attendre à une très grosse saison. Non, je parle des Clips, peut-être que j'ai dit Golden State, non, je parlais des Clips, je pense qu'eux, ils ont déjà réussi leur saison. Ils s'attendaient pas du tout à aller en playoff, surtout qu'ils ont fait des trades un peu bizarres et tout. Donc je pense qu'ils sont contents, ils vont trade jouer. Trade qui pouvait paraître bizarre au début, mais au final, ils sont en playoff. Hein, bah, après, je pense que si on regarde quand même le trade, de base, ils sont quand même perdants. Parce que tu perds Tobias Harris, bon, ça paraît bizarre, mais bon, ils ont quand même réussi à aller accrocher les playoffs, donc voilà, après, ça marche. Trade, on pensait qu'ils allaient tank. Hein. Ouais, bah oui, tout le monde disait ça. Tout le monde parlait de tank, mais bon. Et résultat des courses, ils sont 8e à l'ouest, donc... on avait parlé de la course au play-off, à l'ouest c'est réglé depuis un petit moment quand même, Sacramento qui a été distancé, on peut juste le rappeler comme ça rapidement, Sacramento qui était c'est à la course, mais... Ouais, sur la fin, bon, ça fait bien 2 semaines qu'on sait que les 8, c'est les 8, après ils jouent pour les spots, mais bon, clairement... Ah, c'est pour les spots, on voit que les Clippers ont le même bilan que les Spurs, dont on parlera plus tard, mais en tout cas pour revenir sur cette série, déjà on parlait de sweep là sur cette année... Les résultats parlent d'eux-mêmes, hein. Les Warriors, là, 1, 2, 3 victoires. Il y a eu une victoire quand même de Los Angeles, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un Lou Will, je crois, totalement exceptionnel. En feu total. Mais du coup, ils n'en prennent qu'un, et je pense qu'ils n'en prendront pas un sur la série. Ça me semble vraiment compliqué. Ouais, les playoffs, c'est leur jardin. Là, ils sont injouables, quoi. Il faudra vraiment qu'il y ait un Lou Will en 50 points à 15-20 au shoot, mais bon. Bah, en parlant de Lou Will, c'est le joueur qu'on a sélectionné, hein. C'est le joueur qu'on a sélectionné comme clé de la série. Lou Will, pourquoi Quentin? Joueur chaleur, c'est leur joueur phare. C'est même plus le joueur chaleur, c'est le joueur de façon de l'équipe. C'est, clairement. C'est un six... ouais. Il est dit six-man, mais il finit tous les matchs. 20 points de moyenne. C'est le six-man franchise player, quoi, parce qu'il prend tous les ballons. Dès qu'il rentre sur le terrain, il prend des shoots, il les met parce qu'il a un talent offensif totalement incroyable. Donc non, franchement, c'est le joueur phare ou l'un des joueurs phares de l'équipe. Et c'est sur lui que tout repose pour aller chercher au maximum un match. C'est vrai qu'avec Danilo Gallinari, après, c'est très pauvre. Ouais, bah il y a quand même Montrezl qui sort toujours du banc et qui fait toujours le taf. Enfin, après, au niveau de l'énergie, c'est quand même un bon joueur. Dans la raquette, il y a des paquets après en face. Ah oui, de toute façon... Ah non, mais l'équipe, c'est... Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Là, c'est deux mondes différents, ça joue pas dans la même cour, quoi. C'est une Ligue 1 contre une Ligue 2, quoi. Donc, après, ça fait bien aussi pour les Clippers de se jauger un peu, de voir où ils en sont Leur saison. Ils ont fait une belle saison. C'est du bonus pour eux, exactement. Au final, on parlait de Lou Williams aux Clippers. En face de lui, on va trouver du répondant. Niveau défensif, déjà, il va focaliser l'attention des défenseurs. Pour vous, qui va s'en occuper, Klay Thompson? Klay. De toute façon, ce sera pas Steph, parce que, le meilleur joueur offensif de l'équipe adverse... des Golden State Warriors, il est toujours pris par Klay, donc ce sera Klay qui va s'en charger, hein, c'est pour sûr. Après, quand il sera pas sur le terrain, je pense que ce sera par Iguodala. Oui, de voilà. De toute façon, il va y avoir des rotations, je pense que ce sera pas un problème du côté Golden State. Mais, ça, c'est sûr que, vu l'équipe, vu le banc, il n'y a pas de problème au niveau des rotations, ça. Bah, en parlant d'équipe, il y a eu une petite alerte lors du dernier match. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, comme quoi Stephen Curry avait eu une petite alerte blessure. Ouais. Après, apparemment, selon grave, ce qui est sorti, c'était rien de grave. De toute façon, même sans Steph, là, si jamais il devait manquer un match ou quoi, ça ne poserait pas de problème. Ouais. Bah, on a pu le voir aussi pendant la saison. Hein. Il y avait plusieurs matchs où il n'était pas là, ou lui, ou KG. Après, il est important, hein, ouais. On va pas se mentir. Si Steph n'est pas là pendant la série, ils vont pas la prendre. Peut-être pas contre les Clippers. Ouais. Avec Durant, Cousins, Klay Thompson, tu devrais pouvoir t'en sortir. Bon, de toute façon, il va être là, donc je pense qu'il n'y a même pas peut-être à se poser la question. Mais il sera aménagé, genre il jouera peut-être pas tout le match non plus. Mais normalement, Déjà, Steph, on le disait dans le dernier podcast, niveau offensif, 27 points par match. Qui peut se mettre sur lui réellement aux Clippers? Patrick Beverley? Est-ce que Beverley est à 100%? Bah après, ça reste quand même l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, en meneur. Hein. En meneur, clairement. Bah, de toute façon, c'est le meilleur défenseur déjà chez les Clips, donc forcément, c'est lui qui va prendre Steph. Ouais. Après, un jeu sans ballon, est-ce qu'il pourra le suivre? Bah, il va tout donner. Hein. S'il y a quelqu'un à envoyer, c'est lui. Hein. C'est un chien, il va le garder, il va tout donner. D'ailleurs, en parlant de Patrick Beverley, je sais pas si vous avez vu passer ça, la petite vidéo, il explique à Jay Crowder comment essayer de défendre James Harden. On verra si ça marche, mais comme tu l'as dit, Abel. On va essayer de défendre. Ouais, bah, voilà, c'est ça. On verra. On va parler de James Harden dans une prochaine série. En tout cas, pour celle-ci, je pense qu'on va pouvoir passer plus rapidement dessus. Parce que vraiment, pour tous les fans des Clippers, très bonne saison. Ouais. Moi, je suis très content pour tous les Clippers. Non, pour Doc Rivers, hein, on l'avait dit la dernière fois, c'est cool pour lui. Parce que c'est vrai qu'il était décrié. Mmh. On disait qu'il était surcoté. Là, il a montré qu'avec une équipe sur le papier moins forte que certaines, il a quand même réussi à aller chercher les playoffs. Donc, c'est cool. Mais. La dure réalité est que même si on est très content pour les Clippers, je pense qu'il va falloir sortir les balais. C'est 4-0. Hein. C'est 4-0. Alors là, s'il n'y a pas 4-0, c'est étonnant parce que vraiment, c'est le balai assuré. Là, je pense. Si les Clippers en prennent un, c'est le gros exploit des playoffs. Ah bah c'est pour eux, c'est un bel exploit en tout cas. Parce que... Bah ça serait vraiment une bonne affaire quand même. Ouais, non, mais ça devrait faire 4-0. Ouais, franchement, là, logiquement, si des Warriors sont un minimum concentrés, c'est 4-0 et on n'en parle plus. Même un minimum, même pas concentrés du tout, je pense qu'il y a 4-0. Hein. Même en marchant, comme ils le font depuis le début de la saison, enfin, ou en jouant à moitié, ça gagne sans problème. Donc bon, on verra bien. Mais parce qu'après les playoffs, ça reste quand même la récompense des Clippers. C'est... Oui. Après, ils savaient qu'ils allaient prendre un gros morceau. Et eux, s'ils prennent un match, c'est magnifique. Donc bon. Eux, ils viennent là, ils sont tranquilles. Oui, on les a vus. Déjà, je pense qu'ils ont célébré comme s'ils avaient gagné un titre quand ils sont qualifiés en playoff. On voit Doc Rivers qui arrive dans le vestiaire. Mais ça montre aussi la cohésion de l'équipe. C'est pour ça que je pense qu'ils ont réussi à aller aussi loin et qu'ils ont réussi à se qualifier avec une équipe peut-être moins forte sur le papier. Ouais. Parce qu'ils ont tous envie de jouer les uns pour les autres. Ils sont homogènes et tout ça. Ouais, c'est cool. Bon, ça fait plaisir pour les Clippers. En tout cas, écoutez, pour moi, c'est 4-0. 4-0 aussi, évidemment. Pareil, 4-0. Bon, bah, 4-0. Le sweep. Bah, écoutez, on va passer sur une autre série. Je pense déjà qu'on reparlera des Warriors plus tard, mais on va passer sur leurs adversaires en finale de conférence l'année dernière, les Houston Rockets, affrontent cette année Utah. Donc on va rappeler juste les bilans rapidement. Déjà, c'est les équipes qui ont fini 4e et 5e à l'ouest, donc Houston 4e avec 53 victoires pour 29 défaites, et Utah qui finit avec 50 victoires et 32 défaites. Donc déjà, au niveau du bilan, il n'y a pas énormément de différence, parce qu'on se rappelle que Houston a un début de saison très très difficile. Ouais. Mais là en playoff, on sait que les playoffs c'est un monde différent. Après, moi cette série, je la vois serrée. Vous en pensez quoi? Faudra voir, parce que Houston, en vrai, c'est tout dépend s'ils rentrent leur tir à 3 points. Si Harden ne croque pas, normalement ça devrait faire le taf. Parce que Utah, en soi, ça reste bon, mais peut-être que la marche sera trop haute. Moi je vois ça aussi, je suis un peu comme Abel, je vois vraiment ça serré. Ces deux équipes, quand même, qui ont un niveau bon, c'est vrai que les Rockets ils ont plus de shoot. Mais je pense que ça peut faire du 4-3, un Game 7, je pense que ça peut le faire. Quoi. Après, ça pourra jouer aussi au niveau du banc. Parce que le banc de Utah n'est pas aussi fourni que celui de Houston. Hein. Ils ont des joueurs d'expérience qui ont déjà joué les playoffs, tout ça. Donc, Après, ils s'étaient déjà joués l'année dernière. Ça avait fait, il me semble, 4-2. Houston était quand même, s'en était sorti sans trop de problèmes. Mais on avait vu par exemple qu'un Rudy Gobert avait du mal à suivre, donc là cette année je pense peut-être qu'ils vont être revanchards, hein, bah justement je pense que là ils vont peut-être avoir appris de leurs erreurs, ils vont arriver peut-être avec un plan de jeu plus solide. Bah déjà l'année dernière, déjà je pense personnellement que c'est une clé de la série. Donovan Mitchell, déjà il a pris de l'expérience. Ouais. L'année dernière il était encore jeune. Il était en feu aussi. Il était en feu pendant les. Ouais, il était rookie. Ouais, il était en feu total pendant les playoffs. Mm. Il a détruit le Thunder à lui tout seul ou presque. Du coup on va en feu. Hein. On va voir ce que ça va donner cette année. Hein, Puis là, Utah l'année dernière ils ont vu comment ça se passait un peu les rouages des playoffs, comment ça pouvait se dérouler, le vice qu'une équipe devait avoir. Une franchise de Bavard, donc là peut-être que ça va se passer autrement. Mais après, moi je leur donne plus de chance que l'année dernière parce que je trouve que Houston ça joue un peu moins bien. Ouais. Il y avait quand même du Trevor Ariza, c'était un joueur très important. Ouais. On l'a un peu sous-estimé l'année dernière, mais défensivement, offensivement, il est entré ses trois, c'était un joueur très important. Il devait être remplacé par Melo, bon, qui a pas fait le taf. Donc voilà, mais je pense que cette série ça peut faire une belle série bien serrée. Et j'espère qu'on va avoir du beau basket en tout cas. Ouais. Bah en tout cas, moi, comme on va y arriver là sur les joueurs clés, pour moi, le joueur clé à Utah, ça peut paraître étonnant, mais pour moi, c'est Ricky Rubio. Parce que bah, déjà, on se rappelle des playoffs qu'il fait l'année dernière. Déjà, premier tour contre KC, on se rappelle de Russell Westbrook. Je pense que Russell Westbrook est en train encore de faire des cauchemars de Ricky Rubio. Mais ouais, Ricky Rubio, je pense vraiment qu'il est important déjà pour Utah. Ouais, déjà. C'est sûr. Rien que pour ça. Et puis. Bah même offensivement, défensivement, Ricky Rubio. Défensivement, c'est un joueur sous-côté, je trouve. Parce que Ricky Rubio, quand il se met sur un meneur, en général, faut quand même y aller. Donc je pense que ça va être très important. Et là, en face de lui, il a quand même Chris Paul. Donc bon, c'est pas ou Chris Paul ou James Harden, ça dépend qui prend la balle. Mais je pense que va falloir qu'il fasse une très grosse série parce que Chris Paul, l'année dernière en playoff, il avait quand même fait le taf. J'espère pour Houston qu'ils vont pas craquer comme au Game 7 contre les Warriors l'année dernière. Ouais, non, parce que si vous avez déjà vu un arrosoir dans un jardin, c'était pareil, hein, vraiment. Ils sont arrosés et encore arrosés. Attends, c'est sûr. Je crois qu'ils avaient même battu un record de shoot raté à 3 points. Enfin, vraiment, ils de toute façon, eux, quand ils commencent à arroser, je peux vous dire que quand ils commencent à pas rentrer leur shoot, c'est le mur de briques incroyable. Après, par rapport à Ricky Rubio, je pense qu'il va plus apporter offensivement parce que. On l'avait vu quand il était absent là les quelques matchs, bah c'était Donovan Mitchell, c'était tout seul, c'était lui qui faisait le match, il rentrait, ça gagnait, il rentrait pas, ça prenait des. Avec Joe Ingles quand même. Joe Ingles participe hein. Ouais mais après c'est un fermier donc faut voir ce qu'il donne, mais en playoff ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas Ricky Rubio genre il a une bonne passe, tout ça, il organise bien le jeu. C'est un gestionnaire, hein, c'est son taf. Pour ça, il fait bien le taf. Après côté Utah, toute l'équipe est vraiment importante. Ça veut dire il y a Ricky Rubio, chaque joueur est un peu clé. Il y a Ricky Rubio, Donovan Mitchell, faut qu'il reste à ce niveau-là parce qu'il est jeune, hein, faut pas croire qu'il est arrivé. Et même Rudy qui avait fait une série très moyenne l'année dernière, il avait eu du mal à suivre défensivement, donc là va falloir qu'il prenne Capella et faut qu'il gagne son match-up pour que Utah ait une chance de passer. Après, depuis le début de l'année, il y a un joueur dont on ne parle pas à Utah, c'est le poste 4, Derek Favors. Ouais. Il passe inaperçu alors qu'il fait une belle saison. Non, mais c'est un bon joueur aussi, il ça c'est clair. Bien, c'est un bon joueur. Il aura après, des choses à jouer. On ne parle pas énormément des joueurs d'Utah, hein. C'est pas l'équipe la plus flashy. C'est perdu, c'est en altitude. Et puis même leur jeu, bon, c'est pas le plus flashy, quoi. C'est quand même une équipe défensive. En parlant de jeu, vous pensez que... Par quels moyens ils peuvent battre Houston offensivement, en jouant vraiment défensivement. Il faut pourrir les matchs, faut endormir, les forcer à shooter des shoots, des mauvais shoots. Comme ils savent bien le faire. Voilà, si jamais on enferme les Rockets dans un truc où il faut qu'ils prennent des mauvais shoots et tout, qu'ils forcent un peu. Là, je pense que Utah, ils peuvent vraiment les gérer. Un des 5 joueurs qui prennent feu aussi. Clairement, après ils ont quand même pas mal de bons joueurs. Hein. Utah c'est une équipe de qualité, franchement. Moi je vois une avec série un bon très coach en plus qui peut amener des joueurs qui est là depuis longtemps, qui fait le taf. Donc là cette année, je pense que s'ils passent Houston, ce sera vraiment un beau truc pour eux. Une belle récompense. Et donc là je pense que ça va être une très très grosse série, je pense. Mais du coup on en parlait, on l'a mentionné tout à l'heure, Patrick Beverley qui essaye d'apprendre un peu à Jay Crowder comment garder James Harden. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est possible vraiment de ralentir James Harden? On a vu que pendant la saison, Milwaukee a tenté de le garder que sur sa main droite, ça a fonctionné sur le match. Vous en pensez quoi? C'est possible? Parce que vu le niveau de James Harden cette année... En soi, on la connaît la recette, c'est défendre sur la main gauche. Scottie Pippen, comme je l'avais dit la semaine dernière, il avait donné la recette en soi. Milwaukee avait défendu sur la main gauche du James Harden et c'était compliqué, donc c'est ça la recette. Après, en plus, on sait que James Harden a playoffs. Il faut aussi espérer que les arbitres n'aient pas reçu un coup de fil de la NBA pour leur dire de siffler tout et n'importe quoi sur James, parce que sinon, ça, on connaît, ça va encore faire des débats incroyables. Mais non, forcément, bon, après, c'est quand même un joueur incroyable. Ouais. Même si on le défend main gauche, main droite, tout ce que vous voulez. Il a toute la panoplie, donc mais il faut quand même essayer de pouvoir le ralentir, le contenir, après, le contenir le MVP aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Pas là pour rien. Forcément. 36 points de moyenne. Hein. Ouais, 36 points de moyenne. À chaque fois qu'on me le redit, je crois que je craque dans ma tête. 36 points de moyenne, 7 assists et 6 rebonds. Franchement, c'est. Ah non, c'est incroyable, hein, franchement. Oui. Ben, avant de passer au pronostic, on peut déjà rappeler les résultats de cette année. Donc, Houston en prend 2, Utah en prend 2. C'est équilibré. C'est ce que je pense sur la série. Ça va être le reflet de la série. Hein. Vous donnez combien à vous? Moi, je donne 4-3 Houston. 4-3 Game 7? Ouais. Donc Game 7 à Houston. C'est ce que je vois. Perso, je vois pas Houston en perdre 3. Ah, moi, franchement, je le vois comme ça. Parce que moi, je pense que Trevor Ariza, il va manquer. Ouais, mais Utah, faut qu'ils aient la baraka quand même. Ah, bah, il y a des bons joueurs. Mais... Vous verrez. Est-ce que Rudy Gobert peut s'être... En fin de match, tout ça, dans les momentum. On en reparle. Tu veux qui? On refera un podcast. Et j'en reparlerai. On refera de toute façon des podcasts pour les. Quand Houston aura gagné 4-1, par contre, j'en parlerai pas. Mais du coup, est-ce que vous pensez que, pour terminer sur les match-ups, est-ce que, on n'en a pas parlé de la match-up à l'intérieur, Rudy Gobert peut tenir Clint Capella? Bah, je pense que c'est l'inverse. Hein. Gobert est supérieur à Clint Capella. Hein. On se rappelle que l'année dernière, Clint Capella fait des gros playoffs. Ouais. Là, cette année, il fait pas une grande saison. Mais je pense que là, reconnaissant un peu Rudy, parce que là, quand même, c'est un orgueilleux, exactement. Donc là, il va arriver, il va être très plus, motivé. Cette année, on se rappelle qu'il était en train de pleurer parce qu'il n'est pas allé au All-Star Game. Je pense qu'il est très revanchard. Je pense qu'il va faire une moisson. Il va envoyer du rebond, du dunk. Voilà, de toute façon, c'est. Et il faut qu'il gagne sa match-up. Si Utah veut passer. Il faut que Gobert gagne sa match-up, que Rubio arrive à faire un... Au moins ralentir les extérieurs. Et donc voilà, et que Donovan rentre ses shoots, sinon il n'y a aucune chance. Ouais. Donc c'est à eux de step up et de faire le taf. Du coup, au niveau des pronos, Hugo c'est 4-3, c'est ça? Ouais, pour 4-3 Houston, Houston du coup. Ouais. Quentin? 4-2. Je dis la même chose, pour moi c'est 4-2 Houston aussi, je ne vois pas non plus Utah en prendre 3. Et puis surtout que... À mon avis, c'est mon avis, si ça va en 7, je sais même pas si les Rockets passent. Ouais. J'ai hésité franchement. Mais si, pour moi, en tout cas, je vois vraiment une série serrée. Quoi. Moi, c'est vraiment parce mon truc. En plus, donc, si ça va en 7, peut-être que Houston, avec la pression. Ah, ouais, c'est ce que dit Abel. Hein, parce qu'en vrai, ouais, c'est ça. Je pense franchement que si ça va en 7, c'est mon petit prono perso. Si ça va en 7, Utah passe, mais je pense 4-2 pour Houston quand même. Ah bon, on verra ça. Mais en tout cas, c'est une série serrée. C'est intéressant. Ça va être sympa. Je serai devant dès le premier match et je pense qu'on sera tous devant. Ouais, bien sûr, on espère que Rudy il fera le taf quoi. Parce on que, espère. Hein. Évidemment, on est toujours derrière nos joueurs français. Nos friendships. Donc on va passer déjà à cette série là, on est bien. On va passer sur la série OKC Portland. Donc pour faire un petit rappel, Portland qui finit 3ème de la conférence Ouest. Déjà, c'est une petite surprise quand même que Portland termine 3ème devant les Rockets, devant OKC, devant le Jazz. Qui finit donc avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites, sans faire grand bruit. Et OKC qui finit 6ème, alors qu'ils étaient vraiment, pendant la saison, on les a vus être 3ème, être même à un moment second, je crois, et qui finit 6ème à 49 victoires pour 33 défaites, juste devant les Spurs, à 48-34. Donc cette série où OKC est 6ème et normalement commence à l'extérieur, donc est un peu désavantagé. Pour moi, OKC quand même a un effectif supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah après, donc déjà de base, ce qu'il faut dire, c'est que Portland a perdu Nurkic. Ouais. Donc c'est déjà une grosse perte parce qu'à l'intérieur, ça reste quand même un point d'ancrage important pour cette équipe-là. Mais moi, personnellement, je vois une série très très serrée. Ouais. Avec, va falloir regarder les matchs parce que je peux vous dire que sur la saison, ça trash talk fort entre Westbrook, Lillard, ça fait des petits gestes de bébé comme si Lillard était le bébé de Westbrook ou je sais pas trop ce que ça fait, mais c'est non franchement je pense que sur cette série, moi c'est la série que je préfère à l'Ouest. Ah oui? Ah ouais, clairement moi c'est la série que je vais pas louper un match, pas une minute. Je pense que ça va être très très propre parce qu'en plus il y a des match-up dans tous les sens. Ça veut dire Lillard, Westbrook. Incroyable. McCollum, Paul George, incroyable. Et Steven Adams contre Canter, en plus ils sont potes, ils se kiffent. Ça va être sympa. Donc non, franchement une belle série et je pense que ça va être très très très cool à regarder. Bah déjà si on voit là les confrontations directes, là Quentin, OKC prend 4 matchs sur les 4. Hein. Ouais, après c'est très compliqué. Déjà la conférence était très serrée, la conférence Ouest. Donc en vrai l'ordre des matchs Bon, ça influence sur les playoffs, mais là, OKC, okay, si, normalement, ça devrait faire le taf quand même. Moi, ils ont l'expérience. Nurkic, très grave blessure. Ça je compliqué. Suis en désaccord, messieurs. Mais ça, c'est vrai que Nurkic, je pense que c'est un peu l'équivalent de Victor Oladipo pour Indiana. C'est moins important. Bah, c'est moins important, mais s'il était là, la série serait différente. Le franchise player d'Indiana, c'est Nurkic, c'est le troisième, deux ou troisième meilleur joueur de Quinter, en soi, il a jamais rien prouvé. Bah, il a prouvé qu'offensivement, ça reste un très bon joueur offensif. Après, là, il va être motivé en plus, Quinter. Ouais, Quinter, je peux vous dire que là, contre Steven Adams, il va jouer sa vie. Steven Adams, qui est d'ailleurs l'un de nos joueurs clés. Ouais. Steven Adams, qui très discrètement, on le mentionne pas souvent, mais un très très bon intérieur. Très très important. Ouais. Parce c'est un fait, rocher. Hein, la relation avec Westbrook sur le pick and roll, déjà, elle est très importante. Ouais. Il se trouve très très bien, c'est vraiment l'un des points. On a vu une passe fort. Là dernièrement, Russell Westbrook fait 360 derrière la tête et on voit même son coéquipier dans le corner. C'est Ferguson, il était pareil que nous en fait, derrière notre écran, on était choqués et vraiment leur relation elle est très intéressante. Hein, Franchement, Adam c'est très important. Donc il va falloir qu'il se trouve avec Westbrook et qu'il arrive à contenir, bon je pense qu'il va réussir, mais Kanter. Et donc forcément ça va être très important pour l'équipe de après Portland, ils ont quand même des bons petits joueurs, hein. Arkless, Aminu. Ouais. Ils avaient recruté aussi Rodney Hood. Ça fait Rodney Hood. Ah c'est vrai en provenance de Cleveland, on s'en souvient. J'y pensais pas. Oh là là, moi j'aime beaucoup ce joueur, franchement après, c'est un bon joueur. Si on compare les Six-Men. Si il est chaleur, ça peut faire tourner le match. Je me rappelle que le Six-Men à Oklahoma City, c'est Dennis Schroeder, c'est pas mal non plus. Ouais, non, c'est pas mal aussi, ouais. mais moi je vous dis, en plus ces deux équipes pour le coup qui l'année dernière ont déçu en playoff, ouais. Et puis ouais, on se rappelle avec Portland qui se fait manger, Portland qui choque clairement, ouais. C'est vrai que Rajon, on va pas dire, mais il avait été incroyable, grand fan de Rajon Rondo, et même OKC contre Utah, ils étaient arrivés passer en mode playoff, et à la fin ils s'étaient fait raser par Joe Ingles et sa team, donc je pense que c'est deux équipes qui vont arriver avec le couteau entre les dents. Et non, ça va être une très grosse série. Moi, je suis pressé de voir ça. Et puis, dans chaque team, il y a un clutchman qui est vraiment incroyable. D'un côté, Paul George, de l'autre, Damien Lillard. Donc, oui, je me disais, c'était pas Westbrook. J'attendais, mais. Heureusement qu'il a pas dit Westbrook, sinon je quittais ce studio. PG en clutchman, c'est vraiment très fort. Là, il en a encore mis un contre Houston. Ouais, il est clutch. Là, cette saison, Paul George, c'est vrai que je pense vraiment que Paul George, là, il arrive en playoff pour confirmer sa saison. Et je pense qu'il y aura vraiment rien qui va l'arrêter. En face à Portland, après on verra dans les tours suivants. Moi, pour vous dire, je pense que OKC passe. Je pense que ça donne pour moi 4-3. Ah, moi, j'ai donné 4-3 Portland. Oui, bah, je donne 4-3 OKC. Il y a l'avantage du terrain pour Portland. Et bah, du coup, moi, je donne 4-3 OKC et ils vont gagner à Portland le Game 7. Parce que Paul George, incroyable. Non. Je pense vraiment qu'il va faire une série. Après, ce qui va être sympa, c'est de voir qui gagne la match-up entre Lillard et Westbrook. Moi, j'ai mon petit avis là-dessus. J'ai ma petite idée aussi, mais bon. Quentin, qui gagne la match-up entre Damien Lillard et Russell Westbrook? Ça sera Damien. Voilà. Bon, c'est vrai que lui, il le met devant Steph Curry, donc forcément, Damien Lillard surcoté par Quentin depuis tous les jours. Hein. Mais en tout cas, Damien Lillard, même si, alors là, on ne critique absolument pas Westbrook, qui est un joueur phénoménal, il finit encore sa troisième saison en triple-double d'affilée, il a mis à pas longtemps un 20-20-20, c'est absolument exceptionnel. Mais c'est vrai que Westbrook en playoff, Westbrook fin de match. Les deux doivent prouver. Hein. Les deux, que ce soit Westbrook ou Damien, ils doivent absolument prouver qu'ils ont le niveau playoff, même s'ils l'ont déjà prouvé par le passé. Oui. Mais je parle par rapport à l'année dernière, ils sont revanchards. Tu disais quoi tout à l'heure, hein. Non, je parlais de l'année dernière, excusez-moi. Westbrook, il s'est fait manger par Ricky Rubio. Bon, bah voilà, c'est un fait. Non, mais cette année, OKC, c'est vraiment. Normalement, ça devrait faire le taf. Un 4-2, voire peut-être un 4-1 même. Donc pour vous, Quentin, c'est OKC qui passe, même en étant 6ème de conférence. J'ai entendu un 4-1. Ouais. Oh là là. Sans l'avantage du terrain, ça veut dire qu'ils en prennent un, voire deux à Portland. Oui. Ils prennent les deux? Non, peut-être pas les deux, mais ils en prendront peut-être un. Ok. Enfin, c'est même sûr. 4-1 à Portland. Oh, bah. Là, je serais vraiment étonné. Hein, parce que 4-1, si OKC gagne 4-1. Non, mais après, c'est possible. Hein, tout est possible. OKC, si tout le monde est à 100. Si Paul George fait une série incroyable, tout est possible. On connaît les playoffs. Hein, on verra. Vous savez que c'est totalement possible de se faire sweeper aussi. Hein, c'est la comme loi des playoffs. Comme l'avaient fait hein. Les Pelicans l'année dernière, exactement, par exemple. Exactement. Ce que personne n'attendait non plus. Hein. Bah, sauf moi, évidemment, je l'attendais puisque je connais évidemment le playoff Rajon Rondo. Grand fan de Rajon Rondo, Hugo. Mais en tout cas, pour cette série, moi je vois donc un 4-3 OKC, Hugo voit donc 4-3 Portland, et pour Quentin c'est 4-2 ou 4-1. 4-2 ou 4-1, bah écoutez, on verra ça, en tout cas, série à suivre. En tout cas, ça sera très beau. Très grosse série, ouais. Très très grosse série, faudra voir tous les matchs. Là. Grosse série comme celle que nous allons aborder maintenant, la dernière à l'ouest, qui oppose donc les San Antonio Spurs aux Denver Nuggets. Cette fois-ci, comparé aux autres années, à ce qu'on a été habitué, les Spurs ne sont pas tout en haut de la conférence ouest, mais les Spurs sont 7e à l'ouest avec 48 victoires pour 34 défaites. Et par contre, les Nuggets qui finissent 2e à l'ouest derrière les Warriors avec 54 victoires pour 28 défaites. Grosse saison de Denver qui se retrouve en face des Spurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette série ? Bah clairement, Denver, une saison régulière assez incroyable. Ils ont été premiers quasiment. Enfin, ils ont fait un peu le jeu du chat et de la souris avec les Warriors. Une très très grosse saison. Une équipe qui joue bien au basket autour d'un Nikola Jokic toujours aussi fort et polyvalent. All-Star. Donc ouais, clairement All-Star, ouais. Mais bon, en face, ça reste une équipe aussi de qualité avec un coach toujours aussi bon. Légendaire. Donc on verra bien. Mais c'est une série pour moi qui va être accrochée. Et bon, on verra bien. Mais ça reste que c'était une belle série. En fait. C'est vrai qu'en plus, on n'attendait pas forcément Denver à cette place-là. Ouais. Et ils ont pu profiter aussi de la méforme un peu des Warriors au début de saison où c'était un peu irrégulier. Mais les Nuggets, ouais, portés par Nikola Jokic, comme tu l'as dit, Hugo, ouais. De feu. Franchement, plus ça rentrait à 3 points. Gary Harris, tout ça, c'est très fort. Tout le monde, en fait, tout le monde a réussi à trouver sa place. C'est ça qui est bien. C'est que le point d'ancrage, c'est vraiment Nikola Jokic. Avec ses passes, son jeu un peu de meneur en fait, c'est lui qui mène presque le jeu. Et après tout le monde a trouvé sa place, Jamal Murray qui est très très bon aussi cette saison. Le seul qui a pas trouvé sa place c'est Thomas. Ouais. Qui a pas réussi à revenir. Depuis deux saisons et qu'il a quitté Boston, il a pas trouvé sa place. Ouais, c'est dommage, mais non franchement une très très belle saison. Et il va falloir confirmer en playoff avec un petit manque d'expérience quand même à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai qu'en plus les Nuggets c'est une franchise qui est très jeune. Donc ouais, faudra confirmer le manque d'expérience, mais en parlant de jeunesse, moi ce qui m'hallucine le plus c'est à part basket, mais le contrat de Nikola Jokic c'est exceptionnel hein. Ouais. Il est en contrat rookie, je crois qu'il touche 1,7 million je crois, ouais. Pour ce qu'il produit sur le terrain, c'est une petite parenthèse comme ça, mais c'est absolument incroyable. On va pas non plus avoir trop de peine pour lui, parce que je pense que dans un an ou deux il va prendre son petit contrat max, et je pense que va pas avoir problème pour que son compte en banque soit plein. Il va pouvoir s'acheter une belle petite maison du côté de Denver. Mais en tout cas là pour cette série, si on regarde déjà les confrontations directes qu'il y a eu pendant cette saison régulière, on voit que c'est 2-2 comme la série d'avant, ouais. Où San Antonio en a pris 2 et Denver en a pris 2. Donc déjà c'est équilibré sur la saison régulière. Maintenant, est-ce que une deuxième place dans la conférence ouest et 7e, est-ce que ça fait beaucoup pour les Nuggets, pour les Spurs, pour upset les Nuggets? Moi j'annonce, c'est mon petit avis, je pense qu'il y aura un upset sur cette série. Les Spurs passent Denver du coup? Je pense qu'ils vont gagner, ouais. Franchement. À l'expérience, ouais, c'est ça. Moi je le sens bien. Les Spurs, ils ont cette faculté un peu à comment dire, à prouver un peu. Dans les moments où ils sont très faibles, enfin on les dit faibles, c'est là où ils prouvent, c'est là où ils c'est sûr, où ils upsettent en fait. Bah, surtout que même cette année, même avec un bilan comme ça, l'effectif des Spurs, on regarde l'effectif, DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, d'ailleurs LaMarcus Aldridge, très belle saison. Ouais, non, et puis LaMarcus Aldridge, souvent en playoff, il step up, ouais, et il commence à envoyer du très très lourd. Donc non, ça reste une grosse équipe et je pense pas que Denver arrive les pieds tranquilles et qui vont mettre un sweep ou quoi. Non, je pense que ça va être très très serré et que franchement je vois bien un petit upset perso. Surtout qu'en plus les Spurs, ils avaient perdu leur meneur titulaire, les jeunes Temeray, au tout début de la saison, donc ils avaient dû faire sans. Donc, après, ils ont toujours des bons petits joueurs. Ouais. Ils ont toujours des Forbes. Des fois, ils sortent des stats. Même White, ils sortent des stats assez incroyables. Des fois, ils sortent des matchs à 10 sur 10 au shoot. Enfin, j'ai vu des trucs. Donc, ça reste des joueurs toujours assez propres qu'ils arrivent à sortir. De toute façon, dans cette équipe-là, il n'y a pas de forceur. Mais de toute façon, on le sait, avec les Spurs et Popovic, il peut sortir un match à 40 points de Jean-Michel, je ne sais pas qui. Ah, grave. Non, mais franchement, il y a des bons joueurs. Même Bertans ou quoi. Ouais. C'est sérieux, c'est pas des très très très grands joueurs. Popovic, il arrive à faire mais c'est sérieux. Les joueurs entre eux, c'est vraiment homogène. Du coup, au niveau du prono, c'est l'upset pour vous, Hugo? Un petit 4-3, c'est mon petit pari, quoi. Après, on verra bien. Mais... Ouais, pareil, un 4-3, hein. C'est un 7 games. Denver. Pour les Spurs. Pour les Spurs. On a l'upset des deux côtés. Moi, je vous le cache pas, je donne 4-2 à Denver. Ouais. Ça se comprend aussi, Parce que grande saison, parce que les Spurs. Même si on sait que les Spurs, ils reviennent toujours chaque année, c'est pareil. Mais là, vraiment, Denver, très très grosse saison. On sait que Nikola Jokic fait une saison incroyable. On sait que Gary Harris, on sait que... Et même, je pense sincèrement que pas grand monde va pouvoir tenir Jamal Murray s'il se décide vraiment à pouvoir scorer. C'est... Oui, c'est sûr. Ouais, après, il y a l'expérience des petits comme Patty Mills, les joueurs, ouais, voilà, des joueurs c'est... comme ça. C'est toujours des... c'est, de toute façon, ça, c'est une équipe chiante à jouer. Et ouais. Je trouve que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une série qui est très très dure à pronostiquer parce que on sait, on a l'image des Spurs en playoff qui peuvent toujours faire du bon taf. On a l'image de Denver qui fait une saison assez incroyable, mais qui n'a aucune expérience en playoff. Du coup, c'est dur de jauger vraiment qui. Qui part favori, pour moi en tout cas. Après, ça va peut-être se jouer au tout début de la série. Hein. Ouais. C'est une série qui commence à Denver, hein, ouais, les deux matchs. Parce que Denver, si par exemple ils gagnent les deux, qui blow out les Spurs, mentalement, ça va être très compliqué de revenir pour les Spurs. Hein. Après, on sait que Popovich sait motiver ses joueurs, même s'il perd les deux premiers, il peut aller gagner les deux suivants, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que ça fait un gros coup au moral en perdant les deux premiers. Ah, bah, c'est sûr qu'il se fasse exclure à une minute de jeu. Non, bah là, je pense que là, il va se contenir pour les playoffs. Il va rester sérieux. Bon, en tout cas, pour finir là-dessus, donc pour moi, je vois 4-2 pour Denver, pour Quentin, c'est 4-3 pour les Spurs, et pour Hugo, le même résultat. Exact. Donc, pour revenir, du coup, on va faire juste un petit point sur nos pronostics des playoffs à l'Ouest. Donc, pour la première série, je crois qu'on voit tous un sweep des Warriors sur les Clippers. En effet. Ensuite, pour Houston, Utah. 4-3 pour moi. Pour les Rockets, évidemment. Les Rockets. 4-2. 4-2 pour les Rockets. 4-2 ou 4-1, il a dit, hein, on s'en souvient. Non, non, j'avais dit 4-2 ou 4-1 pour les Thunder. Ah, ok, oui, c'est vrai, je me trompe, non, parce que... Et donc, moi, je vois donc un petit... Allez, 4-2 pour Houston, on va dire. Mm-hmm. Ensuite, pour OKC Portland, donc on a le petit pronostic maison de Quentin, qui nous donne 4-1 pour Oklahoma City, c'est ça? 4-1 ou 4-2. 4-1. Plus 4-2 quand même. Moi, je vois Portland, 4-3 à la maison, un petit Game 7, je pense que ça va être sympa. Je vois 4-3 au KC, et donc pour terminer, Denver, on vient de le dire, qui s'impose pour moi et pour vous deux qui perd. L'upset. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce podcast des playoffs de la Conférence Ouest. Vous pouvez retrouver l'autre podcast que nous avons réalisé sur la Conférence Est. Merci, allez nous follow sur les réseaux sociaux, les 14 affranchis, affranchis NBA, à bientôt. À bientôt tout le monde. Into the corner for the win. Yes!